entre nous, c'est l'histoire qui commence au hasard de nos yeux qui se cherchent entre nous. Entre nous, de nos bras, c'est le temps qui donnera un premier rendez-vous entre nous. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son pouls. C'est le cœur qui avoue entre nous. Entre nous, c'est l'aveu qui nous brûle en dessous de nos peaux que l'on frôle jaloux de la moindre seconde sans nous. Entre nous, c'est toujours, c'est le contraire d'un jour. Entre nous, c'est le fort, la raison et le tort. C'est l'envie qui nous mord dans le cou. Entre nous, c'est le temps qui s'enfuit, qui s'en fout. C'est la vie qui nous prend dans son pouls. Sans détour entre nous.